Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 24. Du livre de vie. Ce qu'il est, on peut en être effacé. 1. Qu'est-ce que le livre de vie? Est-ce la même chose que la prédestination? Le mot livre de vie est une expression empruntée à nos usages. C'est une coutume, on le sait, d'inscrire sur un livre ceux qui sont choisis pour certaines fonctions, les soldats, par exemple, les conseillers, et de là venait autrefois le nom de père conscrit. Les prédestinés sont choisis pour posséder la vie éternelle, voilà pourquoi on dit qu'ils sont inscrits au livre de vie. Quand une chose est fortement gravée dans la mémoire, ne disons-nous pas figurément qu'elle est écrite dans notre esprit. Dieu lui-même s'est exprimé ainsi, « Écrivez mes commandements sur les tables de votre cœur. » Proverbe 3:5. On écrit effectivement sur des livres matériels pour aider la mémoire. Ainsi, il ne faut pas s'étonner qu'on appelle figurément livre de vie la connaissance que Dieu possède de ceux qu'il a prédestinés, connaissance qui est comme le signalement des hommes qui doivent arriver au bonheur éternel. De là ces mots, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Timothée 2, 19. Le livre de vie, c'est en quelque sorte la notice de la prédestination. Note. On appelle quelquefois livre de vie l'écriture sainte elle-même, qui contient ce qu'il faut faire pour parvenir au ciel, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Parfois même cette expression signifie le souvenir de nos bonnes actions, mais ces diverses acceptions importent peu à notre sujet. De ce qu'il y a un livre de vie pour inscrire les noms des prédestinés, s'ensuit-il qu'il y a aussi un livre de mort pour les réprouver? Non. On inscrit ceux qu'on choisit et non pas ceux qu'on rejette. Fin de la note. 2. Le livre de vie ne regarde-t-il que la vie de la gloire? Le livre de vie ne regarde que la vie de la gloire, c'est là, à proprement parler, sa destination. La prédestination est une vraie élection. Quand on fait une élection, on appelle le candidat à une dignité qu'il ne trouve pas en lui-même, et cette dignité offre l'idée de fin. La fin véritable qui dépasse notre nature, ce n'est ni la vie de la nature, ni la vie de la grâce. Quelle est-elle donc, sinon la vie de la gloire? Aussi est-ce pour celle-ci que, à proprement parler, existe le livre de vie, et non pour la vie naturelle, qui n'admet pas d'élection, ni même pour la vie de la grâce, qui, ne donnant pas la fin dernière de l'homme, mais seulement le moyen d'y parvenir, n'est un objet de véritable élection que tant qu'elle conduit à la gloire. Le livre de vie, qui est, comme nous l'avons dit, la liste ou la notice de ceux qui sont élus, ne contient donc que ce qui a rapport à la vie éternelle. Note. Si quelquefois le mot élection est appliqué à la vie de la grâce, ce n'est qu'avec une restriction sous-entendue, car ceux qui ne sont élus qu'à la grâce ne sont pas absolument élus. Fin de la note. 3. Quelqu'un peut-il être effacé du livre de vie? Oui, car j'entends le psalmiste s'écrier, qu'il soit effacé du livre des vivants. Psaume 58, 2. Ailleurs, Dieu promet aux justes de ne pas les effacer du livre des élus. Celui qui aura vaincu, dit-il, je lui donnerai des vêtements d'une éclatante blancheur, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Apocalypse 2, 5. Ces passages font voir que, sur le livre de vie, les noms des hommes sont conservés ou effacés, et pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Le livre de vie est l'inscription de ceux qui sont préordonnés à la vie éternelle. Or, on peut être en rapport avec la vie éternelle de deux manières, d'abord, par un décret de la prédestination divine, qui ne manque jamais son effet, ensuite, par la grâce, car celui qui a la grâce est par là même digne du ciel. Cette dernière manière n'obtient pas infailliblement son effet, puisque l'on peut perdre la grâce par le péché mortel. Mais ceux qui sont ordonnés à la vie éternelle par un décret de la prédestination sont inscrits irrévocablement dans le catalogue des élus comme devant obtenir certainement la béatitude elle-même, et Dieu n'efface jamais leur nom du livre de vie. Note. Voir notre note sur les deux ordres de prédestination de la question 23, à savoir. Dieu communique, en général, sa bonté à tous les êtres, mais, pour ce qui est des dons de la grâce et de la gloire éternelle, il ne les accorde pas indistinctement et sans choix. Il veut le salut de tous les hommes, mais il le veut d'une volonté que les théologiens appellent antécédente, et non d'une volonté absolue. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.